début de soirée, bon week-end. Merci d'écouter Espace en plein cœur des ondes, les 18h. Tout de suite, un nouveau point d'actualité nationale et internationale. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Une quatrième victime de l'attentat de mardi à Strasbourg, dont l'auteur a été abattu hier soir par la police, a succombé à ses blessures, selon le parquet de Paris. Il s'agit d'une personne qui était en urgence absolue dans un état qualifié de critique, a précisé le parquet. Une cinquième victime est en état de mort cérébrale. 11 autres personnes avaient été blessées, dont 4 étaient encore hospitalisées ce matin, selon le procureur de Paris. Emmanuel Macron doit se rendre à Strasbourg aujourd'hui pour venir soutenir les familles des victimes et rendre hommage à leurs proches décédés ou blessés. Il saluera également les forces de l'ordre mobilisé depuis plusieurs jours. Les primes exceptionnelles versées par les entreprises volontaires à leurs salariés seront défiscalisées jusqu'à 1 000 euros, a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe. Par ailleurs, les salariés éligibles seront ceux touchant jusqu'à 3 600 euros mensuels nets. Les fonctionnaires ne seront pas concernés par la prime exceptionnelle défiscalisée, a précisé le Premier ministre. Celle-ci s'appliquera uniquement aux salariés et sera versée du 11 décembre au 31 mars dans les entreprises volontaires. Une centaine de lycées sont encore bloqués aujourd'hui en France, dont une trentaine totalement, selon le ministère de l'Éducation, dans le cadre du mouvement de contestation des lycéens qui rejoignent aujourd'hui les manifestations de la CGT et de syndicats d'enseignants. Les régions les plus touchées, selon les premiers décomptes, sont les académies de Versailles, Créteil, Montpellier et Marseille. Au plus fort du mouvement, la semaine dernière, on comptait jusqu'à 450 établissements perturbés. Météo France place aujourd'hui 8 départements en vigilance orange en raison d'un épisode de verglas et de neige risquant de rendre les conditions de circulation difficiles. Il s'agit du Calvados, de l'Eure, l'Eure-et-Loire, la Manche, la Mayenne, l'Orne, la Sarthe et la Seine-Maritime. Ce premier épisode de verglas qui pourrait être accompagné de neige est attendu entre 8h et midi demain matin. Enfin, à quelques jours seulement de Noël, les autorités sanitaires pointent de nouveau du doigt l'un des jouets stars très prisés par les jeunes enfants et certains adolescents, la pâte slime. Depuis maintenant quelques années, cette substance visqueuse et colorée connaît une nouvelle jeunesse. Problème, elle est composée de substances chimiques qui peuvent s'avérer dangereuses en cas de contact prolongé avec la peau. Plus normande des radios. Ludo, 17h-19h. Et dans les prochaines minutes, David Guetta avec un Say My Name, mais tout de suite Feder avec Control sur Espace. L'After School d'Espace. I got a melody. Now I'm trying to find the words to put things in reverse. If you could see what I see, you could. Then you know just what you are. You're everything I want. You're everything that I want. Baby, go talk the way you're not supposed to. Your body can do the rest. You know it. And if you need a little mind vacation, press your cheek against my chest. When I'm with you, I lose control. Second to try to catch my breath, my mind is in a mess. You should be on top of this, but you got me on the run. Now I'm tripping on your love.

8h30, l'info locale et régionale. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Les Gilets jaunes semblent bien décidés à mener l'acte 5 de leur mobilisation demain, malgré les appels au calme depuis les annonces d'Emmanuel Macron lundi. On fait un point sur les rassemblements aujourd'hui en Normandie, alors que la CGT et ses alliés ont promis une fin de semaine noire avec plusieurs manifestations. À Rouen, tôt ce matin, dockers et portuaires ont mis en place un barrage filtrant au niveau du hangar 108, entraînant de gros bouchons sur le pont Guillaume le Conquérant. L'après-midi, l'appel de la CGT et des FSU à défiler à 14h a été entendu. Par exemple, les enseignants syndiqués qui devaient siéger au conseil d'administration de l'université ce vendredi ont préféré faire grève et participer à la mobilisation cours Clémenceau. Les lycéens, mobilisés depuis une semaine, notamment contre la réforme du bac et la plateforme Parcoursup, se sont joints au cortège, tout comme des gilets jaunes. Entre 2000 et 3000 personnes ont défilé en ville en tout. En milieu d'après-midi, le cortège s'est divisé. Gilets jaunes et étudiants sont partis vers le centre-ville. Les syndicats ont rejoint la préfecture. Au Havre, les lycéens des établissements Porte-Océane, Claude Monet et François 1er ont reconduit leur mobilisation et ont rejoint le cortège des syndicats en centre-ville en fin de matinée. Portuaires et dockers également, ainsi que des gilets jaunes. Dans l'heure après Évreux, Pont-Audemer et Vernon, c'est à Louviers que des lycéens ont fait entendre leur voix ce vendredi. Une centaine d'élèves a mis en place des barrages filtrants le matin au carrefour des rues de Beaulieu et des Fougères. Le chargement de paille d'un camion bloqué a été incendié, nécessitant l'intervention des pompiers. La police a placé en garde à vue un des lycéens présumé auteur du sinistre. Mobilisation également au lycée de Verneuil-sur-Avre et dans le Pays d'Auge à Lisieux, devant le lycée Cornu. Et puis des gilets jaunes demeuraient mobilisés dans l'Eure et en Seine-Maritime, notamment sur les points de rassemblement et de barrage habituels. Dans le pays de Bray, les gilets jaunes de Mokanchi vont même créer une association qui sera le point de départ du fondement du Parti démocratique citoyen. Objectif plus ou moins avoué, les municipales 2020. On poursuit cette édition avec un tout autre sujet dans l'ambiance de Noël, avec le reportage d'Éric Blot. Écoutez. Près d'une quarantaine de producteurs locaux proposent aux visiteurs du marché fermier de Noël dans le hall de l'hôtel du département à Évreux, légumes, fruits, laitages, farine, huile et même du quinoa 100% eurois. C'est le pari depuis 2 ans de Bertrand Pilet de la ferme des Mille Épis à Épier. C'est une personne, M. Abbott, sélectionneur agriculteur à côté d'Angers, qui sélectionne des variétés qui s'adaptent plus facilement à nos régions. Au Pérou, où son pays d'origine, il y a de la saponine, ce qui donne son goût d'amertume. Et chez nous, Européens, nous n'avons pas ce goût-là. Donc, M. Abbott sélectionne des variétés sans saponine. Ma priorité, c'est d'abord le goût. Je propose une barre chocolatée au quinoa. Ça va être des noix caramélisées, des oranges confites. Et en plat principal, par exemple? Ça peut être du chou romanesco, si c'est une recette chaude, avec des carottes. Vous avez aussi façon taboulée, façon nuggets, à base de carottes et poireaux. Sachez que sont programmés ce week-end des ateliers culinaires, l'occasion de préparer 4 recettes authentiques, mais revisitées, comme le pain de mie, le gâteau à la pomme et croquant, les plumes de grigan au goût et aux couleurs de la Provence, et enfin les tartelettes. Et avant de faire un point sur les prévisions météo pour demain, 8 départements sont placés en vigilance orange, neige, verglas pour la matinée de samedi. Les 5 départements normands sont concernés par le phénomène de 8h à midi. Cet épisode de verglas et de neige risque de rendre les conditions de circulation difficiles. Il est conseillé par Météo France de rester très vigilant. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour ce samedi, les nuages gris et pluie verglaçante présentes dès la matinée sur le département de l'Eure, le Pays d'Auge et la Seine-Maritime gagneront le Beauvaisis à la mi-journée. Le mercure indiquera au meilleur de la journée moins 1 degré à Chaumont, Vexin et Rugles, 0 à Beauvais, Neuchâtel, Gournay, Évreux, Gisors, Le Neubourg, 1 degré pour Rouen, Vernon, Bernay, Pont-Audemer et Lisieux. Bonne soirée à tous. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Et oui, ça caille, température négative. Alors je vous parle, indice de l'air avec Atmo Normandie, j'ai 4 partout, sauf au-dessus de Rouen, 5 sur 10, veuillez ralentir. On attaque cette nouvelle demi-heure avec un Benny Blanco. If I don't know how to move, I cannot say what I believe in. If I only believe in you, I travel many roads, but I know what road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do, 'cause I found you. I found you.

En plus des enfants, je vous offre pour la maison et pour l'anniversaire de ta femme qui s'appelle comment ? Aurélie. Aurélie, tour de son pour toi. J'ai passé à l'écoute en ce moment, mais elle est contente. Elle va être surprise déjà. Bah, le coup de l'anniversaire, je ne l'ai pas vu venir. Non. Écoute, ça tombe très très bien. Donc, ça tombe bien, oui. Bon, 4 cadeaux, puisqu'il y a le casque audio, l'enceinte connectée pour ton fiston, Mini qui réagit en mode peluche interactive, et la tour de son à mettre à la maison. Bon, ben, mon Thierry, je vous souhaite à toutes et tous dans la famille de très belles fêtes de fin d'année. Merci. Merci à vous aussi. Merci, en tous les cas, d'écouter Espace dans la poste mobile. C'est ça. Salut, mon Thierry, bonne journée. Merci, bon week-end. Ciao, au revoir. Salut. 17h, 19h. Ludo à la radio. Espace. Y a mí me gusta, a mí me gusta, ay, ay, ay. Papi, a mí me gusta, a mí me gusta, ay, ay, ay. Moi, je amigante, la vida a la muerte. Voy a un vrai hombre, Pablo Escobar. Si tu rentres dans ma tête, tu vas pas assumer. J'ai les idées perchées, les idées noires. J'suis parano dans l'âme, j'sais pas m'arrêter. Cherche les embrouilles jusqu'à fatiguer. Si t'as pas les épaules, faut pas. Espace qui réchauffe en cette période un petit peu fraîche, c'était Romy avec un Megusta. Alors maintenant, dans la catégorie des sons que vous demandez totalement librement pour finir chaque fin d'heure de l'After School, avant 19h, nous écouterons un son de 1977. Jean-Michel Jarre, 18h55, maintenant la Proc TD. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le vendredi 14 décembre. Ce soir sur TF1, l'aventure Robinson, c'est nouveau, c'est une émission d'aventure avec des gens qui vont jouer à Robinson Crusoe. Vincent Lagaffe et Marine L'Orphelin vont passer toute la soirée avec vous. Vincent Lagaffe, qui a planté tout le monde sur C8, j'ai quand même le sentiment qu'il a un big melon. 23h15, vendredi tout est permis avec Arthur et ses amis et c'est un inédit. Et en plus, c'est une pyjama party. Vous avez vu comme ça rime, c'est incroyable, je suis un poète. France 2, Imposture, un téléfilm dramatique avec Laura Smet. Non, ce n'est pas un film qui parle de Laetitia Hallyday. Commencez pas à être mauvaise langue. Bon, ok, dès que j'ai vu le titre, j'ai pensé à la même chose. Mais c'est pas la peine de le dire. Bon, l'histoire là, c'est une infirmière au Canada. 22h50, ça va envoyer le boulet, Taratata 100% live, avec Eagle Eye Chérie, entre autres. France 3, le concert des étoiles. Alors si, comme moi, la musique classique et l'opéra te filent des plaques sur tout le corps, tu es un petit peu dans la mouise camarade. camarades. Mais si tu aimes ça, tu vas kiffer ta soirée. Canal Star Wars épisode 8, le dernier Jedi. Le mini-moi m'a demandé de regarder ça avec lui. Alors perso, je suis pas super fan de Star Wars, hein, mais comme lui surkiffe, donc bah moi je surkiffe aussi parce que je suis content. Arte a un mouton nommé Elvis, un téléfilm humoristique allemand. L'histoire d'un homme à l'approche de la quarantaine qui gagne sa vie comme imitateur d'Elvis Presley dans des maisons de retraite. M6, NCIS avec Gibbs et ses bleus et ce ne sont que des rediffs toute la soirée. Le meilleur de la TNT, changement de programme. TPMP refait la semaine, ça dégage pour mettre Balance ton poste. Une soirée spéciale présentée par Cyril Hanouna et tous ses chroniqueurs. Ils reviennent sur l'attentat de Strasbourg et en seconde partie de soirée, là on reprend la version plus traditionnelle. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Jamais. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. Eh, pas de problème. J'assume total encore une fois. 1977, Jean-Michel Jarre, Oxygène. Eh ben voilà, c'est pour vous. 19h d'Orient, l'Afterwork. 21h, Manu, Funky Mix. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, à dimanche 11h. Tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le vendredi 14 décembre, il est tout juste 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Une quatrième victime de l'attentat de Strasbourg dont l'auteur a été abattu hier soir par la police a succombé à ses blessures selon le parquet de Paris. Il s'agit d'une personne qui était en urgence absolue dans un état qualifié de critique, a précisé le parquet. Une cinquième victime est en état de mort cérébrale. 11 autres personnes avaient été blessées dont 4 étaient encore hospitalisées ce matin selon le procureur de Paris. Emmanuel Macron doit se rendre à Strasbourg en soirée pour venir soutenir les familles des victimes et rendre hommage à leurs proches décédés ou blessés. Les primes exceptionnelles versées par les entreprises volontaires à leurs salariés seront défiscalisées jusqu'à 1 000 euros, a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe. Par ailleurs, les salariés éligibles seront ceux touchant jusqu'à 3 600 euros mensuels nets. Les fonctionnaires ne seront pas concernés par la prime exceptionnelle défiscalisée, a précisé le Premier ministre. Celle-ci s'appliquera uniquement aux salariés et sera versée du 11 décembre au 31 mars dans les entreprises volontaires. À la veille d'une possible nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes, le gouvernement n'a à ce stade pas décidé d'interdire les manifestations prévues, mais son porte-parole Benjamin Griveaux les a appelés à être raisonnables au regard de l'attentat de Strasbourg. Néanmoins, le dispositif de sécurité mis en place sera équivalent à celui du week-end dernier. Le préfet de police de Paris a ainsi déclaré qu'au total 8 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés. 14 véhicules blindés de la gendarmerie seront aussi déployés comme la semaine dernière. Météo France place 8 départements en vigilance orange en raison d'un épisode de verglas et de neige risquant de rendre les conditions de circulation difficiles. Il s'agit du Calvados, de l'Eure, de l'Eure-et-Loire, de la Manche, de la Mayenne, de l'Orne, de la Sarthe et de la Seine-Maritime. Ce premier épisode de verglas qui pourrait être accompagné de neige est attendu demain matin entre 8h et midi. Enfin, une faille de sécurité a rendu accessible à des applications l'ensemble des photos postées sur Facebook par 6 800 000 utilisateurs durant une dizaine de jours en septembre. La faille qui a été corrigée au bout de 12 jours ne concerne que des personnes qui ont téléchargé une ou plusieurs de ces quelques 1 500 applications et avaient initialement donné leur accord pour qu'elles utilisent une partie de leurs photos. Sur la plus normande des radios, Dorian. Allez, comme d'hab, il est l'heure de se poser et de se détendre tous ensemble dans l'afterwork. Espace, plus de son, plus de tubes. Et le dernier afterwork de la semaine débute maintenant avec Martin Garrix et Mike Young. C'est Dreamer. Passez une très belle soirée. I'm a dreamer. Don't tell me not to dream. I got freedom, and that's everything to me. It don't matter what I've got or where I go. I find shelter 1 million miles from home. It ain't easy to keep going when it's hard. Keep shining in the dark when you wanna fall apart. But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream. I'm a believer. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. Oh,

l'Afterwork, vous êtes sur la plus normande et picarde des radios. Et à l'instant, c'était LOL, Duxaway et Brando avec Body. Laissez de nouveaux messages au 0 950 35 50 50. Il est déjà 19h26. Ils sont incontournables. Sur Espace. Écoutez les meilleurs souvenirs. Le Père Noël Espace est réactivé comme tous les ans. On en reparle dans quelques instants. Mais pour l'instant, mode souvenir sur Espace. Voici Tina Turner avec The Best. Soyez prudents sur la route et bon week-end. En 1989, c'est bien un petit son tranquille comme ça le vendredi soir pour finir la semaine et débuter le week-end. C'était bien sûr Tina Turner, The Best sur Espace dans l'Afterwork. Bonne soirée. Et on en reparlait tout à l'heure, le Père Noël Espace est de retour et vous offre vos cadeaux tous les matins dans le Morning Light et tous les soirs dans l'After School. Alors pour ça, il suffit de laisser vos coordonnées au 0 950 35 50 50 et il vous offrira également des tonnes de cadeaux dans l'Open Show le 28 décembre. Soyez là. Allez, 19h30, l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Les Gilets jaunes semblent bien décidés à mener l'acte 5 de leur mobilisation demain, malgré les appels au calme depuis les annonces d'Emmanuel Macron lundi. On fait un point sur les rassemblements aujourd'hui en Normandie, alors que la CGT et ses alliés ont promis une fin de semaine noire avec plusieurs manifestations. À Rouen, tôt ce matin, Docker et Portuaire ont mis en place un barrage filtrant au niveau du hangar 108, entraînant de gros bouchons sur le pont Guillaume le Conquérant. L'après-midi, l'appel de la CGT et des FSU à défiler à 14h a été entendu. Par exemple, les enseignants syndiqués qui devaient siéger au conseil d'administration de l'université ce vendredi ont